Vous écoutez Futur Sam sur les ondes de CKRL au 89.1 et dans moins d'un mois, mais ce sera une nouvelle année qui commencera et pour plusieurs, le passage du 31 décembre au 1er janvier se fait avec des bulles, c'est-à-dire avec du champagne. Alors, c'est le sujet de notre spécialiste en nutrition, Karine Gravel. Bonjour Karine. Bonsoir François. Donc voilà, ben le champagne, il est notamment fabriqué dans la région de la Champagne, qui est située à l'est et un peu au nord de la ville de Paris. Mm-hmm. Donc on retrouve trois appellations d'origine contrôlée dans cette région champenoise, dont l'appellation pour le champagne là, qui est réservée au vin effervescent blanc ou rosé. Et c'est cette appellation-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, okay, alors on laisse tomber les deux autres là. Oui. Okay. Oh, oui, parce que sinon ça aurait été trop long. Ouais, c'est ça. Donc une appellation d'origine contrôlée où des fois on voit les lettres majuscules AOC. Mm-hmm. Donc ça garantit l'origine de produits alimentaires traditionnels qui sont issus d'un terroir et d'un savoir-faire particulier. Ok, donc, c'est les deux voilà. Là, terroir et savoir-faire. Oui, exactement. Donc dans notre cas, pour que le champagne puisse porter cette appellation là, son origine géographique, les cépages utilisés, les rendements et aussi l'ensemble de l'élaboration sont très contrôlés, strictement contrôlés. OK. Alors justement, comment est-il fabriqué le champagne? Bon, il existe plusieurs méthodes de fabrication là, pour ajouter des bulles dans le vin, mais pour fabriquer le champagne là, avec l'appellation d'origine contrôlée, ben, on utilise la méthode traditionnelle qui était aussi appelée auparavant la méthode champenoise. OK. On l'appelle plus comme ça maintenant? Non, on l'appelle la méthode traditionnelle. Okay. Mais bon, c'est des synonymes. Et cette méthode de fabrication-là, elle comporte deux fermentations. Donc, après une première fermentation alcoolique, comme pour les autres types de vins, ce qui caractérise la méthode champenoise, moi, j'aime bien l'appeler comme ça, moi. Ça parle plus que traditionnel. Oui, effectivement. C'est que du sucre et des levures sont ajoutés dans le vin avant d'être embouteillés. Donc, ensuite, les bouteilles sont mises en cave pour une période d'au moins 9 mois. Et ça peut aller aussi là, jusqu'à plusieurs années. Donc, cette période-là, elle permet au sucre et aux levures de produire une deuxième fermentation. Uh-huh. Et le gaz carbonique créé reste dans la bouteille, ce qui donne les bulles. Donc, il y a deux fermentations. Mm-hmm. Et c'est la deuxième qui produit effectivement le gaz carbonique qui reste dans la bouteille. Exactement. Et après, est-ce que c'est terminé? Oh non, pas encore. OK. Donc, après cette période-là, les bouteilles sont placées dans une position précise, là, presque à l'envers, mais avec une certaine inclinaison. Mm-hmm. Donc, durant 6 semaines à 2 mois, pour laisser les dépôts descendre vers le goulot. Donc, ensuite, les dépôts sont retirés. Et ça crée un vide là, dans le goulot et qui va être comblé là, par du vin de la même cuvée. OK. Donc, finalement, les bouteilles sont à nouveau entreposées quelques mois pour permettre au champagne de se reposer. Très important. Et là, j'ai beaucoup simplifié, mais en résumé, ce qu'on retient, c'est que c'est un processus de fabrication qui est relativement long et qui comporte beaucoup d'étapes très étroitement mm-hmm. contrôlées. Est-ce que tu as, en fait, c'est pour faire un peu le rapport avec la caramel, puis la caramel, est-ce que tu as une idée de comment on peut justement enlever cette lie-là sans que le CO2 sorte? Oh là, j'ai pas évident, été jusque-là. Dans les articles scientifiques de chimie, ouais. on trouve sûrement ces réponses. Sûrement, oui. Mais en fait, il y a d'autres vins effervescents comme les mousseux. Oui. Est-ce que la méthode de fabrication est différente ou c'est pareil? Oui, il y a d'autres méthodes là, pour quand on parle des vins mousseux là, de façon plus générale. Donc, il y a aussi la méthode rurale qui est aussi appelée la méthode ancestrale. Donc, cette méthode-là, elle consiste à interrompre la fermentation en cuve pour embouteiller le vin. Mm-hmm. Comme il reste encore du sucre dans la bouteille, bien, la fermentation continue et le gaz carbonique reste emprisonné pour créer des bulles mm-hmm. dans la bouteille. Un autre exemple de méthode, c'est la cuve close, où la deuxième fermentation va se dérouler dans des cuves hermétiques pour conserver le gaz carbonique. Il y a une autre méthode aussi qui consiste à ajouter du gaz carbonique après la première fermentation directement dans la bouteille. Mais ça fait un peu cheap, mais ça. Donc, cette méthode-là, ben c'est sûr, c'est comparable au procédé pour fabriquer des boissons gazeuses. Hein. C'est moins coûteux, mais c'est sûr que ça donne aussi des vins mousseux qui sont moins intéressants. Donc, il faut retenir que la méthode traditionnelle, donc la méthode champenoise, c'est la meilleure méthode. Elle donne des vins avec des bulles qui sont fines et persistantes, et ça, c'est un signe de qualité. Et c'est à cause de ça que, selon le processus de fabrication, En fait, que le champagne est si cher, j'imagine. Mais oui, c'est ça, c'est justifié. Hein? Le champagne est plus dispendieux parce que son coût de production est plus élevé. C'est ça, c'est long. Hein? C'est ça. Son processus là, d'élaboration est complexe et comparativement à un vin tranquille. Donc, un vin tranquille, ben, ouais. C'est l'inverse d'un vin effervescent. C'est un vin sans bulles, là, comme on les connaît. Okay. Donc, on les désigne comme ça. C'est pas un vin qui est sage. Non, c'est un vin plat, disons. C'est ça, on pourrait. Donc, entre le moment des vendanges et la commercialisation, donc, le champagne nécessite plusieurs années. Alors qu'un vin tranquille, ben, ça peut prendre moins de 5 mois avant de se retrouver sur les tablettes. Uh-huh. Donc, ça justifie le prix. Ouais, donc, fait. Pour avoir une idée des prix du champagne au Québec, j'ai fait une petite recherche. Oui, s'il vous plaît. Donc, pour une bouteille de 750 millilitres, les moins dispendieux sont à environ 44-45 $. Et ici, au Québec, ça peut aller jusqu'à une généreuse somme de presque 3 000 $. Oh là là, pour une seule bouteille. Oui, oui, oui. Il y a un gros rapport entre 3 000 et 45. Oui, quand même. Mais dans tous les procédés traditionnels, c'est difficile de remonter aux origines et de savoir qui est l'inventeur. Dans le cas du champagne, est-ce qu'on sait qui est l'inventeur? Mais c'est sûr que c'est à un moine bénédictin appelé Pierre Pérignon, qu'on attribue la découverte de la méthode champenoise environ vers 1670. Parce qu'avant, dans la région de la Champagne, les vins étaient des vins tranquilles. Donc, plusieurs expérimentations et explosions de bouteilles plus tard. C'est la maison Mouette et Chandon qui fabrique le prestigieux champagne Dom Pérignon. Ouais, donc, ça vient de Pierre Pérignon. Dont on a tous entendu parler. Oui, oui. Pas hein? Tout le monde qui a goûté, comme par exemple. Dans les films ou... par exemple. Mais là, on n'a pas encore parlé de cépages. En fait, on utilise quel cépage pour fabriquer du champagne? Donc, d'abord, juste une petite parenthèse. Un cépage, ben, c'est un type là, de plant de vigne avec certaines particularités. Ça peut être la forme des feuilles et des grappes, la couleur des raisins à maturité ou encore la composition des raisins. Donc, pour fabriquer du champagne, 3 cépages peuvent être utilisés. Je parle toujours là, de notre appellation d'origine contrôlée. Uh-huh. Donc, il y a 2 cépages noirs. Donc, le pinot noir qui donne de la puissance et aussi du corps au vin. Ensuite, le pinot meunier qui apporte de la souplesse. Et puis, il y a aussi un cépage blanc qui apporte une note de finesse au vin, c'est le chardonnay. Donc, les 3 cépages ne sont pas nécessairement utilisés en même temps. Si le champagne est élaboré seulement à partir du chardonnay, on va dire que c'est une cuvée blanc de blanc. Uh-huh. Et si le champagne est élaboré seulement à partir du pinot noir et du pinot meunier, on dira que c'est une cuvée blanc de noir. Alors, tu vois, j'avais déjà entendu ces expressions-là et je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Écoutez, futur simple. Oui, effectivement. On va continuer de l'écouter. Et pour l'amateur de champagne, en fait, qui n'est pas un fin connaisseur, est-ce qu'il y a une façon de décrypter l'étiquette sur la bouteille? Est-ce qu'on y trouve, en fait, qu'est-ce qu'on y trouve comme information sur l'étiquette? Bien, on retrouve, c'est ça, plusieurs informations, entre autres le producteur, l'origine géographique du champagne, si le champagne est millésimé ou non. Et aussi, on a des informations sur le dosage de sucre dans la bouteille. Donc, parce que c'est important, évidemment, pour celui qui veut goûter le champagne. Oui, dépendamment avec quoi on veut le déguster aussi. Donc, le champagne qui est non millésimé, il est élaboré de façon à se ressembler d'une année à l'autre avec des assemblages différents. Donc, ce qu'on veut, c'est que son goût soit constant. OK. Quand on parle d'assemblage différent, c'est évidemment, c'est d'assemblage sur différentes années. J'imagine que c'est ça qui fait qu'on exactement. Peut pas le millésimer. Oui, c'est parce ça. Qu'on veut qu'il soit pareil. C'est ça. Toujours. Pareil, c'est ça. C'est ça. Donc, on retrouvera pas d'informations sur l'étiquette à ce moment-là. Ça veut dire que ça sera pas écrit non millésimé. On retrouvera rien. OK? Ce vin n'est pas millésimé. Si c'est pas écrit, on le déduit. Donc, si le champagne est millésimé, il est assemblé à partir des vins d'une seule année exceptionnelle, comme tu disais. Donc, ce sont des cuvées plus prestigieuses avec des caractéristiques qui sont particulières à ce millésime. Donc, le champagne millésimé va obligatoirement passer 3 ans en cave avant d'être commercialisé. Et le millésime, bien évidemment, on veut le dire, donc il est inscrit ben sur oui, l'étiquette. Hein. Donc, en comparaison, pour un champagne non millésimé, c'est beaucoup moins long, hein, généralement un minimum là, de 12 à 15 mois. Et si on veut bien profiter de son achat, on doit le boire comment, champagne? À l'apéritif, au dessert et aussi à quelle température? Oui. Bien, on boit souvent champagne à l'apéritif hein, parce que c'est un vin qui a une grande acidité. Mm-hmm. Ça fait saliver et ça ouvre l'appétit. Mais en réalité, c'est un vin qui est beaucoup plus polyvalent. Donc, on a des champagnes qui sont brutes et secs, qui sont recommandés pour accompagner plusieurs plats comme les poissons, les fruits de mer, mais aussi les viandes et les fromages. Alors que les champagnes plus sucrés, comme les demi-secs et les doux, vont mieux accompagner les desserts et les fruits. Donc, pour la température de service, c'est aux alentours de 8 à 10 degrés, dépendamment du champagne. Ça va être inscrit dessus. C'est certain qu'il ne doit pas être trop froid pour ne pas nuire à la perception des arômes quand on le déguste. Ah oui, oui, ça fait. Si on le sort, par exemple, du réfrigérateur, il va être un petit peu froid. Mais il doit être en même temps assez froid pour faciliter l'ouverture de la bouteille. Parce qu'en fait, plus le champagne est froid, ben moins la pression va être forte à l'intérieur. Oui, et c'est un fait. Plus la bouteille va être facile à ouvrir. Et il y en a moins qui vont peut-être sortir aussi si le bouchon espérons, oui, c'est est ça. Au plafond. Et on dit qu'il faut boire le champagne dans une flûte et non dans une coupe. Est-ce qu'il y a une raison? C'est sûr que la flûte, elle est prévue pour ça. Sa forme est plus longue et l'ouverture est plus étroite qu'une coupe. Donc, ça permet de limiter la perte de bulles puisque la surface en contact avec l'air est plus petite. Oui. Donc, c'est un petit principe. Donc, d'ailleurs, certains chercheurs français, donc des chercheurs des domaines de la chimie et de la physique, étudient les bulles de champagne et ont calculé qu'un verre de champagne peut potentiellement libérer plus de 10 millions de bulles. Ben, c'est incroyable. C'est énorme. Hein? Ouais, on ne penserait pas qu'il y a autant de CO2 dissous là-dedans. Et donc, ben, en plus d'être un plaisir gustatif, la dégustation du champagne, c'est aussi un plaisir visuel. Hein? C'est le fun de regarder les bulles. D'ailleurs, dans la littérature, on les appelle les pépinières de bulles, les grandes filets qui se dirigent là, vers la surface. C'est un beau terme. Ouais. Donc, le fait de tenir la flûte par le pied, aussi, ça permet d'éviter de réchauffer le vin avec ses mains, donc de garder la température idéale plus longtemps. Par contre, ben, c'est bien certain que si on n'a pas de flûte à champagne, on peut prendre une coupe, là, idéalement de forme allongée, comme par exemple le verre à vin tulipe, dont la forme ressemble à celle de la fleur. Donc ça fait très bien le travail. Donc voilà, alors il reste à attendre le 31 décembre et à souhaiter bonne dégustation à nos auditeurs qui auront bien sûr le privilège de boire peut-être du champagne ou sinon du mousseux, hein, ça fait aussi. Donc voilà, puis je vais terminer avec une citation de Napoléon Bonaparte, militaire et chef d'État français. Alors que disait Napoléon? Alors Napoléon disait « Je ne peux vivre sans champagne, en cas de victoire je le mérite ». En cas de défaite, j'en ai besoin. Donc, voilà. Mais moi, je suis de retour pour d'autres chroniques nutrition, mais en 2014. Oui. Alors, on espérera d'avoir du champagne à ce moment-là. Ben, peut-être. Ouais, ce serait agréable. Mais peut-être plus du vin mousseux. Alors, ben, nous voilà beaucoup plus instruits pour déguster un bon champagne pendant le temps des fêtes. Alors, merci à toi, Karine. Et merci, François. Et je te souhaite de joyeuses fêtes. Merci à toi aussi. Et on va laisser passer les bulles de champagne et le temps d'une petite pause musicale. Restez sur CKRL au 89.1. Au retour, ben, je vous parlerai, en fait, de revue de presse, une nouvelle concernant le VIH et l'autre Javel.